Le carnaval est fini, le Mardi Gras est enterré. Poursuivons notre course à travers l'année, mais secouons la poussière de nos semelles, et n'emportons rien de profane, pour un moment, nous allons nous occuper d'une fête religieuse, c'est-à-dire d'une fête populaire convertie au Seigneur. Je veux parler de la Saint-Joseph. Saint-Joseph fut choisi pour le patron du pays en 1624, et, dit la rue, et le père Le Caron, Récollet, nous fait connaître à quelle occasion, dans une mémoire adressée au provincial de son ordre à Paris. Nous avons fait, dit ce père, une grande solennité où tous les habitants se sont trouvés, et plusieurs sauvages, par un vœu que nous avons fait à Saint-Joseph, que nous avons choisi pour le patron du pays et le protecteur de cette église naissante. Cependant, ce n'est qu'en 1638 qu'il est question, pour la première fois, d'honorer Saint-Joseph, par des coups de canon et des feux d'artifice. Le père le jeune dit en effet, la fête du glorieux patriarche Saint-Joseph, père, patron et protecteur de la Nouvelle-France, est l'une des grandes solennités de ce pays. La veille de ce jour qui nous est si cher, on arbora le drapeau, et fit-on jouer le canon. Monsieur le gouverneur fit faire des feux de réjouissance, aussi pleins d'artifices, que j'en ai guère vus en France. Cependant, 10 ans plus tard, en 1648, le zèle diminue et le feu s'éteint. À la Saint-Joseph, on ne fit point de feu de joie. La veille, comme de coutume, écrit encore le père Lejeune, j'en fus une partie cause, comme ne goûtant guère cette cérémonie qui n'avait aucune dévotion, qui l'accompagnait. La Saint-Joseph est condamnée, ou du moins comme une vierge qui entre en religion, elle se dépouille de toute parure et renonce à toute pensée mondaine. Pendant quelques années encore, elle a des retours plus ou moins dangereux, la fête. Mais petit à petit, le bruit du canon diminue, le feu perd de sa chaleur, il devient fort, froid même. Suivant l'expression du père Lejeune, les artifices sont détrônés par la simplicité, et les fusées sans élan ne font plus concurrence aux comètes chevelues. Pour la dernière fois, en 1661, il est fait mention de la Saint-Joseph, comme fête populaire, profane, mais on sait à quel éclat et quelle grandeur la fête religieuse en est arrivée aujourd'hui parmi nous. Le peuple a besoin de jours de récréation pour se reposer de ses labeurs et dérider son front. Les réjouissances publiques sont les fêtes de famille d'une nation. Elles resserrent ou multiplient les liens entre les maisons, comme les fêtes de famille resserrent et multiplient les liens d'amitié entre les individus. Les peuples les plus doux et les plus poétiques, comme ceux du Midi, se livrent plus volontiers à ces amusements que les hommes froids et sombres du Nord. La nature, le climat, le ciel les y invitant, et les façonnent en quelque sorte pour la jouissance. Et en retour, ces peuples charmants et légers manifestent leur reconnaissance à la nature prodigue en l'exaltant dans des fêtes publiques. Nos pères étaient friands de réjouissance. Ils étaient encore français. Nous avons pris des idées sérieuses et un brin de flegme dans l'air que nous respirons, dans la nature sévère qui s'étend sous nos yeux, dans le froid qui nous engourdit, et dans la fréquentation des Anglais qui nous entourent. Nos pères ne trouvaient pas suffisant d'allumer des feux en l'honneur de Saint-Joseph, et ils crurent faire plaisir à Saint-Jean en lui brûlant aussi, la veille de sa fête, des sapins entiers desséchés d'avance. Je ne saurais préciser la date du premier feu de la Saint-Jean sur nos bords, mais je vois qu'en 1636, on chômait la Saint-Jean aux Trois-Rivières, et l'on tirait du canon, et l'on se livrait à toutes sortes d'innocentes jouissances le soir de la veille. Les sauvages croyaient que les visages pâles faisaient cette fête pour chasser le Manitou, et à leur tour ils prenaient tambours et autres instruments de tapage, et faisaient un tintamarre épouvantable. Ils couraient de ci, de là, pour effrayer le diable. Cependant, le feu de la Saint-Jean ne s'alluma point à toutes les portes, pas même dans toutes les paroisses. Et pendant près de 200 ans, les chants de la joyeuse fête ne sortirent point des paroisses désignées sous le vocable de Saint-Jean. Voici, d'après le docteur Larue, comment cette cérémonie se passait à Saint-Jean, île d'Orléans. Sur l'ordre du Seigneur, un des habitants transportait sur la grève, en face de l'église, le bois nécessaire au feu. C'était du bois de cèdre, invariablement. Après avoir chanté un salut, le curé, revêtu de l'étole, se rendait au bûcher. Il le bénissait, et ensuite faisait sortir du feu nouveau, en frappant un caillou avec le briquet. Avec l'amadou aussi enflammé, le curé mettait le feu au bûcher, et une compagnie de miliciens faisait une décharge de fusil, au milieu des cris de joie de toute la foule. Presque toute la population de l'île se donnait rendez-vous à Saint-Jean pour cette solennité. La coutume était de s'y rendre à cheval, les femmes en croupe derrière leurs maris. J'emprunte à divers ouvrages certains détails curieux sur la manière dont se fête la Saint-Jean en quelques endroits. L'origine des feux de la Saint-Jean remonte à la plus haute antiquité. Dans le même mois où nous les allumons, les Grecs célébraient, en l'honneur de Diane, une fête qu'ils appelaient l'Élofrie. Et le jour du solstice, on incendiait un bûcher, sur lequel étaient placés, comme offrande, des fruits et des animaux. Selon Gébelin, cette coutume d'allumer les bûchers à l'époque du solstice aurait succédé au feu sacré qu'on embrassait alors à minuit. Chez les orientaux, qui figuraient par cette flamme le renouvellement de l'année et rendaient en même temps un culte au soleil. On dansait autour des feux de joie et les plus agiles sautaient par-dessus. En se retirant, chacun emportait un tison et le reste était jeté au vent pour qu'il emportât tous les malheurs comme il emportait les cendres. Plusieurs siècles après, lorsque le solstice ne fit plus l'ouverture de l'année, on continua néanmoins l'usage des feux à la même époque par suite de l'habitude et des idées qu'on y avait attachées. Autrefois, à Paris, le roi assistait à la cérémonie du feu de la Saint-Jean qui avait lieu sur la place de Grève. Et cet usage remontait au moins au règne de Louis XI. On plantait au milieu de la place un mât de 60 pieds de hauteur, hérissé de traverses de bois, auquel on attachait un nombre considérable de bourrées, de cotterets et de pièces d'artifice. Puis on amoncelait au pied du bois et de la paille. On avait aussi la coutume barbare de suspendre au mât un grand panier qui contenait des chats et des renards destinés à être brûlés vifs. Ces pauvres animaux poussaient des cris horribles qui réjouissaient les cœurs des grands de la cour. Quand le feu avait tout consumé, le roi montait à l'hôtel de ville où on lui servait une collation. Les Bretons conservent avec soin un tison du feu de la Saint-Jean qu'ils placent près de leur lit, entre une branche de buis béni le dimanche des rameaux et un morceau de gâteau des rois. Ces objets réunis doivent les protéger du tonnerre. Les jeunes filles qui désirent se marier dans l'année n'ont qu'une chose à faire, c'est de se mettre en danse dans une même nuit autour de 9 bûchers de la Saint-Jean. La recette, paraît-il, vaut de l'or. En Poitou, on entoure d'un bourrelet de paille une roue de charrette. On allume le bourrelet avec un cierge béni, puis l'on promène la roue enflammée à travers les campagnes qu'elle fertilise, si l'on en croit les gens du pays. À La Ciotat, en Provence, un coup de canon donne le signal pour allumer le feu. Et pendant que le bûcher élève ses flammes dans l'air, les jeunes gens se jettent à la mer pour s'y asperger réciproquement, ce qui figure pour eux le baptême du Jourdain. À Vitrolles, les habitants vont prendre, dans la même circonstance, un bain qui doit les préserver de la fièvre pendant toute l'année. Ici même, l'on se précipite, dès l'avant le lever du soleil, dans les flots d'émeraude de notre grand fleuve, avec une pensée moins condamnable, bien qu'entachée aussi de superstition. On ne sait pourquoi, mais l'on attend de cette immersion des effets merveilleux. Mais un jour, en 1834, à l'inspiration d'un noble citoyen de Montréal, M. Ludger Duvernet, la Saint-Jean s'est transformée en une fête nationale et religieuse. Elle est devenue, sous le nom glorieux de Saint-Jean-Baptiste, l'expression heureuse, forte, admirable des sentiments d'amour et de foi, du patriotisme et de religion du Canadien français. Allez dans toutes les villes, dans les villages, dans les campagnes, et vous verrez comme le peuple se réveille ce jour-là, et comme il parle haut de ses affections sacrées et de ses croyances indestructibles. Les maisons prennent un air de fête inaccoutumé. Les citoyens circulent, les groupes se forment, les drapeaux se déploient, les processions défilent, les fanfares éclatantes jettent leur flot d'harmonie sur la terre, et dans le ciel, les cloches des reins, du haut des tours, jettent à toute volée leurs chants incomparables. Et le peuple s'agenouille et prie. Il sait en ce grand jour unir dans une heureuse mesure les plaisirs et les amusements de la terre avec les pensées et l'espérance du ciel.